bad, come on, das bay, body, she, voila, deish key, nada, fact, du, glass, man, Johnny Mano, she, cheese, nerf, bastos, domo, plug, elektromon, das bay, body, she, kone, la porte, little, blood, your high spits, bear, wet, body, she, old beers, sur la table, you dig, regarde ma tasse des jambes écartées sur la table, you dig, j'me promène, Jimmy, dans mon fuck, les lettres m'ont taspé, body, she, j'vois la tête, j'cris mal, fuck, j'baisse toute la semaine, j'en ai mal au she, tech neuf, sous le cas, ouais, j'en règle neuf, les mecs, j'suis venu pour voir avec neuf, j'suis plus en quête d'un vrai rêve, j'suis beau comme un kilo de reptile, on graille à 4 sur tes boîtes de 12 rings, t'rappelles? T'as 10 ans plus tard, j'mets 12 grammes d'or sur mon new rings, j'veux payer le poteau, m'dis c'est mec, j'roule une os, j'roule une auto automatique. J'remuleuse, mi-automatique. J'remets l'eau, j'remets l'ange dans la zincue. J'rentre, j'achète gosse, on a trop léché de vitrine. J'suis un peu bourré, j'vais la désaper dans les brins. J'ai pas mis un doigt, le cuir est déjà plein de cyprine. Hier y'a eu boucherie, le ciel est si gris. Aujourd'hui j'vis un peu, l'ennemi est si triste parce que je promène du nid dans mon frac. Les lettres montent, aspect, balai, chi. J'vois la tête, j'cris, nada. Fait que j'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. 19 bastos dans mon plug. Les lettres montent, aspect, balai, chiffre. On connaît la porte de ton blood. Le respect spare, ouais, balai, chiffre. Trop de billets sur la table. Et regarde ma tasse des jambes écartées sur la table. Et j'me promène, j'ai mis dans mon frac. Les lettres montent, aspect, balai, chiffre. J'vois la tête, j'cris, mal. J'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. 200 kills dans le coffre, pisse dans la bouteille. Métaux sur des fronts, ghetto sur écoute. Khalil sa cellule, rempli comme un henout. J'ai pris trop d'oseille, 4 tas par semaine. Chez toi c'est plus de peur que de mal. Plus de peur que de balle, plus de salope que de vrai. Chez nous c'est plus kilo que gramme. Moins de peur que de balle, plus bien qu'à peu près bien. Cette nuit j'ai compté 30 000 en petit bleu, 20 000 en marron, 2 ans de salaire de keuf. J'suis dans un milieu, juste à 20 000 lieux de vous. 2 ans de salaire en un week-end. J'ai 2-3 ifus, près de mon bifeu. Hier j'avais que ma bite et mon couteau. Moi ma vie elle a pris feu, quand des caisses ont pris feu. Avec des corps inertes, je t'ai dedans. Donc, vu que l'époque est chaude, et que tout un coup, je pense qu'il vaut mieux que je me promène, Jimmy, dans mon frac. Les lettres montent, aspect, balai, chiffre. J'vois la tête, j'cris, nada, fac. J'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. 19 bastos dans mon plug. Les lettres montent, aspect, balai, chiffre. On connaît la porte de ton blague. Le respect spare, ouais, balai, chiffre. Trop de billets sur la table. You dig? Regarde ma tasse, des jambes écartées sur la table. You dig? J'me promène, Jimmy, dans mon frac. Les lettres montent, aspect, balai, chiffre. J'vois la tête, j'cris mal. Fait que j'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chiffre. Un peu. 19.